ma zone de confort pour vivre mon rêve, tu vois bien, Dieu merci. Je veux pas de réconfort, juste de la force, car les épreuves sont terribles. On m'observe, je suis devenu un modèle de réussite. Et je t'en perds, je suis qu'un mortel, et maintenant, on me suce la bite. Désolé d'être cru, mais c'est la vie qui veut ça. C'est ma vie, c'est comme ça. J'ai connu la rue, c'est vice et c'est versa. Éteins la lumière, t'es pas à Versailles. J'ai la phobie du frigo vide, faut du fric et vite. Mais faut pas que t'hésites à bomber le torse en cas de coup dur, c'est pas facile. Même si on jette la pierre comme un frisbee. C'est la merde, accroche-toi, car c'est toi ton pire ennemi. J'accélère en plein phare, je mets la gomme comme Pirelli. J'oublie pas d'où je viens, je sais où je vais, la galère je connais. Je veux tout achever pour ensuite disparaître comme Dupont de Ligonnès. Gagner fait partie de ma mentalité. La force ne respecte que la force. Quand tu viens de tout en bas de l'échelle sociale, tu es conscient de la valeur des choses. Certaines épreuves feront de toi un homme, d'autres feront de toi un monstre. À toi de trouver le juste milieu. Et si t'as des rêves, vas-y fonce. J'avoue parfois c'est la tempête dans ma life, que j'ai le cul entre le bien et le mal. C'est souvent la guerre entre mes anges et mes démons. J'ai peur de la lumière, je suis un mec de la pénombre. Je suis trop petit pour te dire que je suis en route pour réussir ma vie. Trop déter depuis tout petit, oui. J'avais prédit mon avenir, jeune et ambitieux, mes pauses, une de mes professeurs. J'ai dû faire mes preuves, d'où je viens, j'ai pas le droit à l'erreur. Lâche-toi, bats-toi, prouve-toi que t'es le meilleur. Combien de fois j'ai rêvé en faisant la queue au resto du cœur. C'est la galère qui m'a forgé. Plus rien ne peut m'étonner, plus personne ne peut me mitonner. J'ai trop donné. Laissez-moi kiffer ma vie, ma femme, mes enfants, c'est la base. Aujourd'hui j'ai le frigo plus rempli que l'ancien premier de ma classe. LPK, modèle. Yeah.